Seigneur, nous voulons te dire toute notre reconnaissance parce que tu es bon. Tu nous as donné ta vie, ta paix et ta joie, afin que nous puissions nous aussi donner à nos frères et à nos sœurs. Nous voulons te dire merci parce que Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous avons la victoire éternelle. Que l'honneur et la gloire te reviennent.